Sortant en trombe de la forêt embrasée, nos aventuriers arrivèrent au pied des mines tentaclères. Encastrés dans les montagnes grises, la sombre entrée laissait s'engouffrer la brise. Tout aussi terrifiante que majestueuse, la besogne des nains était talentueuse. D'immenses poutres en bois soutenaient une lourde pierre, ornée de l'insolite emblème des nains de l'âge de fer. Bon ouais, tu te magnes. On a le feu au cul là, on peut y entrer dans ces foutues mines ou pas? Ah bah merci de m'avoir pourri ma réplique. Ouais bon, en bref, l'emblème des nains, c'est un gros tonneau et un marteau. Voilà, on y va? Ouais, c'est bon. Allez-y maintenant et crevez-y pendant que vous y êtes. C'est sombre, humide et ça sent la mort à plein nez. Putain, mais tu vas pas commencer à râler? Dites-moi, vous êtes déjà venu par là? Parce que je vois ni taverne ni nain dans ce toit. Ah non, mais ça c'est normal, il y a 3 km de labyrinthe avant d'accéder à la cité. Quoi? Eh ça va, 3 km c'est pas la mort. Bordel, ça sert à quoi? À dissuader les avortons de ton genre de venir nous briser les miches. Rassure-nous, tu connais le chemin ou on va devoir se paumer une bonne douzaine de fois avant de trouver la sortie? Mais non, c'est bon, y a pas à s'inquiéter, je le connais par cœur. Bon par contre, le seul souci, ça va être les créatures qui rôdent dans le coin. Ah bah tiens, ce serait trop facile sinon. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir se taper? Oh, pas grand-chose. 2-3 bestioles qui traînent par-ci par-là. C'est-à-dire? Bah, des gobelins, des liches, des trolls, des orques et des araignées géantes. Et bon, si on a vraiment pas de chance, on peut aussi tomber sur le Minotaure. Pas grand-chose? Ah bah encore heureux qu'il n'y ait pas de dragon? Ah non, lui, il rentrait pas. Du coup, on l'a enchaîné à la sortie de l'autre côté de la montagne. Pardon? Sinistre, malveillant et bourré de créatures dégoûtantes. J'adore les cavernes. C'est une mine, pas une caverne. Un peu de respect pour le travail de mes confrères. Bon, par contre, si quelqu'un connaît un sort de vision nocturne, ça pourrait être pas mal. Commence à faire un petit peu sombre, là. Au pire, mes sorts de soins sont relativement lumineux. Je pourrais m'en servir pendant qu'on avance. Ah, pas bête, tu tiendras le coup? Parce que ça va demander quand même pas mal de points de magie, tout ça. Aucun problème. Il faudra juste que je soigne quelqu'un tout le long. Eh, moi je sais. On a qu'à frapper l'elfe. Tu ne crois pas que ce serait plus subtil de te soigner toi? Ah ouais, tiens, pas con. J'avais oublié que je pouvais plus marcher. Ouais, bah pas moi. Et tu pouvais pas y penser plus tôt à tes sorts de soins, toi? Bah, je pensais plus à mes fesses qu'à la paralysie du nain quand on était dans la forêt. Ouais, moi aussi. Pervers! Et voilà, encore des histoires de cul dans une saga MP3. Oh là là, si on a même plus le droit de se rincer l'œil. Oui, enfin, t'aurais quand même pu trouver mieux. Qu'est-ce que vous insinuez? Bon, stop! Et si on revenait à moi maintenant? La fée, tu peux me soigner? Oui, bon, déposez-le au sol. Enfin, je commence à avoir un peu mal au dos, là. Bon alors, ne bouge pas. Je crois que ça va pas être trop dur. Ah, Soledad, Paralyxia! Hé, hey, je sens à nouveau mes jambes! Oui, tu peux marcher à présent. Parfait! On peut se remettre en marche maintenant? Bourrin, tu passes devant, tu connais le chemin, et t'es notre torche géante. Ouais, c'est parti! Ah, ça fait plaisir de pouvoir se dégonner les pattes! Maintenant, faut que je me trouve une bestiole à buter. Attention, tu n'es pas totalement remis. Pour ça aussi que je continue à te soigner pendant qu'on marche. Ouais, ouais, c'est bon. Allez, on y va! Oh, tu es bourrin. Ah, bah c'est pas trop tôt. J'espère qu'on va croiser un troll ou deux, j'en ai pas encore dans ma collection. Et dis-moi, bourrin, elle ressemble à quoi, les naines, en fait? Bah, t'as déjà vu un yak? Une naine, c'est un peu la même, mais sur deux pattes. Et tandis que nos compagnons s'engouffrent dans l'obscurité, retrouvons à la lisière de Funporn des démons un peu éreintés. On a encore eu chaud. Oh, c'est le cas de le dire, j'ai bien cru qu'on allait y passer. Mais si, cela ne se peut, un démon ne brûle pas. Ah ouais? Bon alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on court en hurlant comme des cons depuis une heure? Bah à vrai dire... Moi je sais, on désirait ardemment sortir de la forêt. D'autres propositions du genre? Monseigneur, vous venez de me donner une idée pour le parc d'attractions de Carac. Nous allons faire un canon à démons. Pleut-il? Eh bien... 3 cornes d'or pour monter au 7e ciel. 3, 2, 1... Je pense que l'idée en charmera plus d'un. Mais nous n'avons pas de ciel à Carac. Mais enfin... Faites comme bon vous semble, on rentabilisera la guerre avec le tourisme. Bien, je m'y attelle dès que nous sommes rentrés, monseigneur. Un village humain à 6 minutes d'ici. Eh bien, on peut aller s'amuser. Oui, oui, mais laissez-moi un ou deux survivants. On est là avant tout pour rechercher des indices sur les héros de la prophétie. Et... Ouais. Bon, pour les survivants, je crois que c'est pas encore gagné. droite. Ça marche. On se fait chier. C'est quand qu'on tombe sur les trolls? Oui, mais on n'est pas déjà passé par là? Je crois avoir déjà vu ce mur avec ses gravures d'orques décapitées. Non, t'inquiète pas. C'est juste qu'on n'avait plus d'inspiration. Alors on a calqué sur les autres gravures murales. Mais du coup, ça fout les chocottes aux abrutis qui passent par là, alors ils font demi-tour et ils spawnent encore plus. Stratégique, en effet. Dommage que ça ne soit pas voulu de base. Ça aurait pu prouver que vous pouviez être doué d'une forme d'intelligence quelconque. Oh la ferme, grandes oreilles. Sans moi, tu serais mort de vieillesse avant d'avoir pu passer le premier kilomètre du labyrinthe. Tiens, au fait, on en est à combien, là? Un kilomètre reste 351 mètres à l'endroit où je suis. On devrait donc pas tarder à tomber sur... l'escalier maudit. L'escalier maudit? Ouais, on va tous crever! Ouais, enfin, maudit, c'est pour conserver la légende. En fait, il est juste truffé de pièges. Et fort heureusement, tu sauras les verrouiller, n'est-ce pas? Non. En fait, c'est l'alchimiste de la cité qui a bidouillé tout ça. Moi, j'y connais que dalle. Faudrait avoir peut-être des compétences de voleur pour s'en occuper. Bon, bah, Galéade, je crois que tu vas t'y coller. C'est bien la première fois qu'on demande les services d'un elfe sous terre. Et ça risque aussi d'être la dernière fois. Tu t'y connais au moins en alchimie? J'ai les bases théoriques, mais après, pour ce qui est de la pratique, c'est une autre histoire. Bon, bah c'est le moment où jamais de s'y mettre. Vas-y, on te regarde. Allez, je m'y mets. Vous croyez que je devrais préparer des sorts de soins supplémentaires? Ça dépend. T'as de quoi soigner des brûlures causées par une cascade d'acide? Du sulfurique ou de l'acide trifluorométhane sulfonique? Du quoi? Plus communément appelé acide triflique, c'est un type d'acide sulfonique de formule CF3SO3H. Il est parfois considéré comme un des plus puissants acides. Il fait partie de ceux qualifiés de superacides. Ok, ça va, passe-nous les détails. Bah étant donné qu'on utilise le triflique pour faire fondre la roche parfois, c'est probable que ce soit ça qui coule sous les marches. Quoi? Dis-moi, Galéade, j'aurai le droit de t'arracher une vertèbre si tu meurs. Vous pourriez aussi me soutenir, bande de dégénérés. La flemme. Bon alors, ça avance ce désamorçage? Ouais, minute. Bon, déjà, sur la première marche, y a rien d'inquiétant. Vérifions la seconde et... Ça va, Galéade? À ton avis, connard! C'est ça ton escalier maudit, bourrin? Il n'y avait qu'une seule marche de piégé? Hey, je vous l'ai dit, moi, c'est surtout pour la légende. Après, pour ce qui est des pièges, en soi, j'y connaissais que dalle. J'ai seulement bossé dans l'architecture du labyrinthe. Et puis, de toute façon, il n'y a jamais personne qui arrive à ce niveau. Bon, et tu vois quelque chose en bas? Non, mais aussi noir que dans le cul d'un troll. Ah si, je crois qu'il y a des rubis qui scintillent par-ci par-là. Oh putain, oh ouais, y en a plein les gars. On a trouvé la salle du trésor. Mais on n'a pas de salle du trésor ici. Les mecs, les rubis, ils avancent par terre et ils prennent. Quoi? Des gobelins. J'arrive. Mode berserk activé. Non mais t'es complètement barjo. Alors, ils sont où? Ils sont où? Bah, sous tes pieds, t'en as écrasé un bon paquet et l'onde de choc a fait tout le reste. En parlant de ça, je crois bien que j'ai sauté de trop. Je peux de nouveau plus bouger. Et ça y est, un petit saut de 80 mètres, ça se déboîte la colonne vertébrale. Pfff, amateur. Ah non, c'est bon. J'avais juste les pieds dans la gueule d'un gobelin. Gain de 850 XP. Personnage nain bourrin passe au niveau 25. Yeah, c'est la classe. Quoi? Mais ce truc est un danger public. Mais je l'avais soigné qu'à 80%. Et je pense que tu vas pouvoir t'arrêter là. En tout cas, merci de ne plus jamais activer ton mode berserk à l'avenir, bourrin. On n'a même pas eu le temps de descendre l'escalier et que les gobelins étaient déjà tous en purée. Mais c'est pas de ma faute. Ça s'active tout seul, ce machin. Hey, y'en a un qui s'enfuit. Ils croyaient m'échapper. Ils sont fous, ces gobelins. Bon, et on va où maintenant? Parce qu'il y a trois tunnels, là. Bourrin. Je ne me souviens pas de cet endroit. Quoi? On est paumé? En tout cas, on ne va pas à droite. L'air y est fort nauséabond. Hein? Fais-moi voir ça. Ah, ça sent les douches à bière. C'est bon signe. On y va. Et une fois encore, faisons un détour par le village de Cavavin, en proie à un terrible destin. Oh non, il n'y a plus un seul villageois de vivant. Si, regardez là-bas, il y en a un qui se bat encore. Soldat, laissez-moi cet homme. Il est coriace, le bouc. Et toi, le gros, avec la cape et la couronne en os. C'est toi le patron de tous ces allumés? Pardon? Humain, comment oses-tu t'adresser ainsi au puissant seigneur des flammes de l'ombre? Hé les gars, je suis un forgeron, moi. Feu, ça me connaît. Alors c'est pas vos petites flammes de merde qui vont... Non, votre seigneurie. C'était le dernier humain vivant. M'en fiche, je l'aimais pas. Mais on n'est pas là pour les aimer, on est là pour les interroger. Bah, vous avez posé votre question, il a répondu, je l'ai cramé, rien de plus logique. Mais on devait les interroger sur les héros d'Almoria, savoir où ils se cachent. Si vous voulez mon avis, alors qu'il est, ils ont déjà sûrement atteint le niveau 100, possèdent plusieurs artefacts puissants de ce monde, vont nous tomber dessus d'une seconde à l'autre, ils nous tueront et détruiront Karak. Oh, mais monseigneur, pourquoi être aussi négatif? C'est dans ma nature. Bon, on va vous trouver une vierge ou deux à brûler, vous vous sentirez mieux. Oh, c'est plus à la mode. Je pense que ça doit être le mal du pays. Vous savez quoi? Mon sixième sens me dit que ces héros sont en fait très loin du niveau qu'il faudrait pour nous battre. C'est vrai? Mais oui, n'ayez point d'inquiétude. Niveau 25, les gars! Plus que 5 et je pourrais commencer à bastonner mes premiers démons! Yaha! Bon, laisse-nous-en quelques-uns quand même! Toi qui traites tout le monde de voleur d'XP! Va chier! C'est mes points d'expérience! Attendez, c'est au niveau 30 qu'on peut commencer à les battre? C'est quoi ces démons, des chatons? Ah, fait tout noir maintenant! Aelys, on peut savoir ce qui se passe? Bah, ça y est, il est soigné à 100%. Bon, vous inquiétez pas, suivez ma voix! C'est par là! Arrête, on y voit que dalle, comment tu peux être aussi sûr de toi? Bah je marche, et tant que je me bouffe pas de mur, c'est qu'on est sur le bon chemin. Hey! Ah bah non, c'était pas par là. Bon après, les directions, ça se fait à l'odorat, mais comme c'est le nez qui prend en premier, bah... Nous sommes perdus! Attendez, quelque chose me revient soudain. Quoi donc? Reculez-vous. Bourrin, où es-tu? Non, j'ai capté. Va crever, toi et ta faune. Les nains ne sont jamais disponibles pour les autres, tu devrais le savoir, Selena. De toute façon, celui-là nous a égaré et je pense pas qu'il... Non mais ça va pas, il m'a pété le nez, le bras droit et j'ai les oreilles décollées. Aelys, soignez-le maintenant. Très bien, alors... Soledad. Ne le soigne pas trop vite. Ah bah c'est gentil, merci. Ah, on va avoir besoin de toi là, enfin, de tes blessures quoi. Je le refrappe quand vous voulez. Tu peux le frapper tout le long du trajet, comme ça on est certain d'avoir de la lumière jusqu'à Breeze Rock. Bon allez, assez discuté, on y va.